Elle a l'œil vif, la fesse fraîche et le sein arrogant. L'autre sein, l'autre œil et l'autre fesse y tout également. Mais ça n'est pas monotone, et même quand c'est l'automne, je m'écris en la voyant, tiens voilà le printemps. Marcel, si j'avais des ailes, je volerais grâce à elle. Marcel, vers la plus belle des jouvencelles, celle qui a pris mon cœur, ta petite sœur. Poum poum, je poserai sur sa bouche un baiser farouche, puis je baisserai les stores à cause des mouches. Pourquoi cet œil noir, Marcel? J'ai pourtant fait la vaisselle. N'aimerais-tu pas ta sœur? N'as-tu pas de cœur? Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle. Marcel, j'ai mis du sel au vermicelle. Quoi que mieux les nouilles au beurre, moi je préfère ta serre. Poum poum.